I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Bienvenue à une autre édition de... Je t'ai pas dit Metal Militia. C'est incroyable. C'est une émission qui n'existe plus depuis la Saint-Valentin 1987. Puis je m'en vais dire Metal Militia. C'est pas incroyable. Oui, Subversion, l'édition du 22 avril 2016, évidemment. Avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio. Et merci d'être encore au rendez-vous. Je dis encore pour ceux qui nous écoutent. Évidemment, qu'ils reviennent à chaque semaine, hein, ça c'est vraiment cool. Et puis, tout autant que ceux qui nous écoutent un peu partout sur la planète, d'ailleurs en balado-diffusion, sur SoundCloud, il y en a qui nous écoutent du Brésil, hein, de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande, d'un peu partout finalement, ça c'est vraiment trippant. Donc, c'est un show planétaire, mes amis. Alors, aujourd'hui, émission, rien de spécial. Il n'y a pas de déjeuner, il n'y a pas de spécial en particulier, il n'y a pas de, d'entrevue, il n'y a pas grand-chose, finalement. il y a quand même quelques nouveautés. On va entendre dans l'émission nouveautés des albums à venir de First Fragment, aussi de Solinaris. Et aussi un nouvel extrait qui est sorti de l'album À venir en mai de Vector. Aussi des albums, certains d'entre vous savent qu'il y a quelques pièces d'albums de 1986 qui vont jouer à l'émission pour aucune raison particulière, sauf en ce qui concerne Creator, puisque le classique, l'incontournable du thrash allemand, Pleasure to Kill, célébrer son 30e anniversaire, évidemment. Au début de ce mois-ci. Donc, on va en entendre dans ce premier bloc. On va entendre aussi Raven dans ce bloc. Mais pour commencer, Metallica avec une pièce de circonstance du premier album, puisque le groupe s'est réuni récemment pour le Record Store Day, en fait, le 16 avril, avec des anciens de leur entourage, des personnages qui les entouraient, qui entouraient le groupe alors qu'ils pratiquaient dans ce garage à El Cerrito, donc à leur début. Et ils ont eu la grosse visite de la côte Est, John et Marsha Zazula. Zazula, le fondateur de Megaforce Records, qui lui avait convaincu le groupe de sortir de Californie pour la première fois et de parcourir les États d'Est en Ouest afin de qu'ils viennent enregistrer leur premier album à New York dans des conditions moins que passables, comme en font état les biographies de Cliff Burton et de Dave Mustaine d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On a pu voir ça dans les médias sociaux d'ailleurs, sur Facebook notamment. On pouvait voir dans les ces images les Ron Quintana, les Brian Lou, les Harold Oimonen, Bob Nalbandian, aussi Ray Burton, le père de Cliff, et bien d'autres qui étaient sur place. Et évidemment, cette rencontre entre le Old Bridge Militia de la côte Est avec le Bay Area. Donc, puis, ouais, c'était... en fait, la performance qu'il y a eu du groupe, ça s'est passé dans un magasin de disques dont j'oublie le nom, finalement. Mais, la performance, c'était pas c'est ce qu'il y avait de plus stellaire, mais ça commençait avec être de light, ça finit avec Metal Militia. C'est pas mal ça qui était important de savoir. Mais... Oui, c'est ça. En fait, pour souligner cet événement particulier, ce Record Store Day avec Metallica, on va entendre la pièce No Remorse, et juste avant, un commentaire de Kirk Hammett sur les beaux jours des disques en vinyle. And I would go immediately to the import section to see if any new heavy metal records had come from Europe. And, you know, that was my weekly thing, was to make the migration out to Berkeley, go straight to the import section and see if there were any new albums by UFO, Scorpions, Motorhead, Tigers of Pantang, Judas Priest, you know, the whole bit. And that was even before there was a heavy metal section in record stores. It was under the title Hard Rock back then. This is rock until you drop. Formation allemande Creator que vous avez sûrement reconnu avec ce grand, cette excellente pièce That Is Your Savior de ce grand classique, j'allais dire, de Pleasure to Kill de 1986, paru le 1er avril de cette année-là, donc un 30e anniversaire, un autre 30e cette année 2016. Et puis, Creator, décidément, c'était un groupe qui refusait systématiquement de respecter les barrières de vitesse imposées à ce moment-là par des groupes comme Slayer, Dark Angel ou encore Possessed. Puis ça avait été une claque d'en face, hein, je me rappelle d'une belle journée de juillet particulièrement, le 10. Oui, parce que je m'étais procuré en vinyle ce Pleasure to Kill en plus de Voivod Roar. Alors, inutile de vous dire que ça a été une très belle journée. Creator, ben en fait, cet album Pleasure to Kill, ça avait été produit par Harris Jones, qui s'était occupé notamment de Voivod, Coroner, Vendetta, Sepultura, entre bien d'autres. Et celui qu'on entendait chanter dans la chanson, c'était Ventor, de son vrai nom, Jürgen Reel, le batteur, qui... il y a donc bien du bruit dans mon micro. C'est ça. Qui s'occupait de trois des chansons de l'album à la voix. Et l'autre vocaliste, en fait, frontman, guitariste, Millet, avait seulement 18 ans au moment d'acheter cet album. Donc, plein de jeunesse et plein de fougue. Et puis, Millet, justement, a fait état d'un film de 1978 qui s'intitulait Faces of Death, qui lui a servi d'inspiration durant l'écriture et le processus d'enregistrement de cet album, qui contenait des pièces qui traitent essentiellement de différentes façons de mourir, de passer à l'histoire finalement. Donc, oui, c'était ça pour Creator, parlant d'histoire. Avant ça, on avait eu Raven, le trio, ce fameux power trio anglais, avec Rock Until You Drop, version live que j'aime bien, du Live at the Inferno, qui est paru, lui, en novembre 84. Un des frères Gallagher, qui a formé le groupe 10 ans plus tôt, John, faisait état du fait qu'il... En sentant ou en sachant que leur ancienne compagnie disque allait sortir quelque chose comme un Greatest Hits, ils ont décidé pour sortir de leur deal avec Neat, c'est probablement Neat, oui, justement de d'enregistrer un album live. Donc ça a été une bonne idée, ça a mis en valeur plusieurs bonnes pièces des deux premiers albums, Wiped Out et Rock Until You Drop. Donc il mentionnait que moi j'ai pas pris la peine d'éterrer mon vinyle et de regarder en arrière où ce spectacle ou ces spectacles avaient été enregistrés, parce que c'est un album double. Mais il y a eu une mention pour dire que c'est comme ça que le groupe sonnait au moment de leur deuxième tournée américaine. Et puis, ça contient des photos également qui ont été prises durant cette tournée, cette fameuse tournée avec Anthrax et Metallica, qui les ont menés à une entente avec les compagnies majeures dans chacun des cas. Oui, ce fameux soir de septembre où ils ont été, Anthrax, Metallica et Raven avaient été signés sur trois différentes compagnies de disques majeures. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, Raven. Et avant ça, évidemment, ben Metallica, justement, avec No Remorse de l'album Kill 'Em All de 1983. 6h55, vous êtes toujours à Subversion sur Underground Québec Radio. Et dans le prochain bloc, on va avoir deux autres pièces de 1986. Et on va entendre aussi Asphyx. Oui, on va entendre aussi Ludichrist de Long Island. Et de Santa Monica, Cryptic Slaughter, qui sortait un album sur Metal Blade cette année-là, à l'été 86, justement. Et oui, ça avait été produit par... par le groupe avec le fameux ingénieur de son Bill Metoyer qui est reconnu pour son travail avec Slayer, Dark Angel, Abattoir, Agent Steel, DRI entre autres. Et oui, ça mettait en évidence dans le mix, je dirais, le batteur Scott Peterson, qui était alors seulement âgé de 15 ans à ce moment-là. Bon, le manque d'expérience s'entend, mais évidemment, la drive est toute là. Alors, c'est ça, on va entendre la pièce Low Life de l'album Convicted à Subversion sur le Grand Québec Radio. shall disappear. Last games were played, our masters he has a fear. Games were played. Games were played. Last games were played, your watch shall disappear. Last games were played, our masters he has a fear. Version sur Underground Québec et la Lyon. This is the battle of the mission from Kid Rock! We'll be right back. Entendre la formation hollandaise des Pays-Bas, finalement, Asphyx avec Aizen Banmorza, tiré de l'album Death, The Brutal Way. C'était paru en 2009, je crois. Ça avait été mixé et masterisé par Dan Swano. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire jouer cette pièce après l'avoir entendue à l'émission du Dr. Pendragon. Réanimation, assez fou, évidemment. Donc, c'est une couple de fois que je copie sur lui, là, avec Benediction aussi. Mais bon, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Il faut vraiment que je la passe à Subversion. Pas le choix. Avant ça, on avait eu Ludichrist avec Games Once Played de l'album Immaculate Deception de 1986, paru à l'été 86 aussi. Et la pièce, non. Et la pièce, Games Once Played est parmi une des nombreuses pièces de l'album, évidemment. Le choix des pièces sur l'album, en termes de nombre, pas seulement de nombre, mais de variété aussi, c'est assez étonnant. C'était une des caractéristiques du groupe, vraiment, de la variété, des influences de toutes parts. Un peu comme les Crumbsuckers, mais Ludichrist est encore plus. Ils sortent encore plus des balises là, du métal. Et pas étonnant qu'ils se sont métamorphosés plus tard en Scatterbrain et qu'ils ont laissé un petit peu le côté core pour le funk. Mais c'était toujours très bon ce qu'ils faisaient, cette gang-là, avec Tommy Christ en tête d'affiche. Et puis. En tête de file, en chef de file, en tout cas. en début de bloc, on avait eu quoi? Cryptic Slaughter avec Low Life, pièce clé de l'album Convicted, leur premier paru à l'été 86 aussi. Et souvenir particulier de cet album, manquait pas d'audace en passant, fallait le faire dans cette course au BPM de l'été 86. Et moi, je me souviens d'une anecdote, c'était au jour de l'an suivant, janvier 87, oui. C'est au Ritz de Val-d'Or. Je vois la rencontre du DJ du bar. Alors que Aggression jouait à ce moment-là, était booké pour plusieurs jours. Et puis, je vois le DJ, je vois dans sa pile d'importation. Et là, je vois ça sur le dessus de la pile. Hein, t'as ça toi aussi, Cryptic Slaughter, Convicted. Waouh, tu peux se faire jouer une pièce. Ah oui, j'avais choisi. Je pense qu'il m'avait fait jouer State Control. Et. Ouais, puis là, c'est à ce moment-là que qui nous a interrompu? Gate, le batteur d'Aggression, avec les deux bras dans les airs, et qui dit « Hey man, mets du possessed! » Ah, quel souvenir! Eh oui, et puis Aggression, évidemment, ça détruisait, là, c'était incroyable. Donc, oui, un autre beau souvenir de cette époque. Donc, on sort de l'année 86, puis on s'en va où, là? Ouais, c'est ça, on va entendre Vector, une nouvelle pièce de Vector, apparaître sur leur nouvel album en mai. Et puis, les Suédois d'Abyssos, maintenant, à Subversion. Oui, maintenant? Non, on va y aller avec une pause publicitaire et on revient avec Abyssos. Pour le bon plaisir de vos enfants, SO a fait fabriquer des milliers de beaux petits verres passe-partout. Est-ce que ça va trop vite, Colin? Ralentis un peu, Bruno! Il il y en a 6 à collectionner. Un personnage différent chaque semaine. Grand-papa Bi, Perlin, Perline, Alakazou, Cannelle et Bruno. À l'achat de 25 litres d'essence, votre détaillant SO participant vous les offre pour 89 sous moins chacun. Collectionnez-les tous. On a entendu la superbe pièce Pillars of Sand par ce groupe de Philadelphie, Vector, qui nous reviennent avec un autre extrait de leur album à paraître le mois prochain sur E-Rake. Le titre étant Terminal Redux. C'est vraiment excellent cet extrait-là. On dirait une version trash de Emperor. C'est fort prometteur pour cet album-là qui devrait rivaliser fortement avec le Outer Isolation de 2011, qui avait été ma surprise de l'année, vraiment, qui avait terminé premier dans le top overall devant les Dream Theater et autres cette année-là. Donc, groupe qui n'a pas fini de faire jaser, peut-être les avez-vous vus live avec Voivod l'hiver dernier? Peut-être pas, parce qu'il aurait fallu que vous alliez à Toronto pour ça, puisqu'il n'était pas de passage à Montréal. Mais c'est de les voir la prochaine fois. Avant ça, on avait eu les Suédois de Abyssos avec Masquerade in Flames. C'était paru sur l'album Finstanian Nightbreed de 1999. En fait, c'était paru le jour de Noël 1999 sur Cacophonous Records, par ce groupe de Sundsvall, en Suède. Abyssos, leur deuxième album. Il est temps de vite fait de vous présenter les deux dernières pièces, puisque le temps va nous manquer. On va entendre deux formations québécoises. First Fragment, qui vont sortir un album en mai aussi sur Unique Leader. Mais avant, oui, formation de Montréalaise, oui. Et mais avant, Solinaris de Québec, avec leur album Derange qui est sorti ce mois-ci sur Cimmerian Shade Recordings et qui comprend Jean-Daniel Villeneuve de Deviant Process, entre autres. Donc, Solinaris, c'est très très bon. C'est une production particulière et avec un soupçon d'avant-garde, ouais, avec du sax et tout ça. Je vous laisse écouter ça. C'est quoi la toune? Faubourg Pat de Solinaris à Subversion. Find out yours was wrong. subversion sur Underground Québec Radio. Qualifier le chanteur. Ça se fait pas, ça. C'est qui a fait ça, là? C'est David... David Alexandre Bropilon. C'est lui qui a fait ça, le chanteur de ce groupe. First Fragment de Montréal, avec très bon extrait de l'album à venir, la pièce étant Le Serment de Tion, apparaître, je pense que c'est le 20 mai prochain, sur Unique Leader, cet album d'Assane. Ouais, ça a été enregistré entre août 2013 et février 2015 et masterisé au Human Noise Studio Montréal et en divers studios finalement. Plusieurs fragments de l'album ont été enregistrés à divers endroits. C'est un band qui fait dans la haute voltige, évidemment. Deviant Process de Québec, je pense qu'ils ont de la compétition ici, sérieusement. Mais bon, si on peut parler de compétition, évidemment. Mais avec ce mouvement-là, et avec des groupes comme Solinaris aussi qu'on a entendu avant, je pense que la planète Global Metal, en fait, les regards vont se tourner vers le Québec une fois de plus, je pense, parce que là, il se passe beaucoup de choses ici. On a beaucoup de talent, décidément. Alors, oui, dans ce groupe également, on a Phil Touga, hein, encore lui, guitariste, lead guitariste de Stylist aussi, de Zealot Tree. C'est un ex-Vengeful également. On a aussi Gabriel Beaupilon à la guitare, Vincent Savary à la basse et Troy Fullerton à la batterie qui a enregistré sur cet album un membre de Severed Savior. Je sais qu'ils empruntent des batteurs ici et là pour les performances live. Bon, et pas des n'importe qui puisque, bon, il faut ce qu'il faut pour suivre cette bande de fous. Donc, First Fragment à surveiller, décidément. Dans la nouvelle vague du métal extrême québécois, de même que Solinaris de Québec, avec la pièce Faux Beau Pat qu'on a entendu de l'album Deranged, paru ce mois-ci également. Allez voir leur Bandcamp, écoutez ça, puis si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu différent, puis ça vaut le détour vraiment. Alors, c'est tout pour moi cette semaine. Semaine prochaine, je ne sais pas encore pour Phobocosm. À savoir si on va aller prendre un café ou déjeuner avec certains joueurs de ce groupe de métal obscur. En vue de leur album à venir en mai aussi, Phobocosm. Beaucoup de sorties en mai pour les bands du Québec. Donc, je voulais dire aussi. Vendredi prochain, hein, à surveiller aux Catacombes à Montréal, ce spectacle avec Necrot et Obsolete Mankind, autre groupe de mon ami Samuel Dufour de Phobocosm. Donc, on va en reparler la semaine prochaine. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, plus de musique subversive. Je vous invite à aller voir le blog de Guillaume Gagnon, notre sinistre chroniqueur de hurlemort.com, site où figurent aussi des épisodes antérieurs de Subversion en streaming. Le site est en cours de changement présentement. Allez faire un tour, il y a toujours de quoi de nouveau. Et puis, n'oubliez pas les émissions rock classique, assez fou, et réanimation aussi de nos amis le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr. Pendragon. Rockclassique.net, réanimationad.com, ça vaut la peine. Et puis, see you next week. Salut, à la prochaine.